Comme je vous le disais dans mon introduction rapide aux œuvres de Molière, le Tartuffe, dans sa première version, fut interdit, dès la première représentation, par le roi catholique Louis XIV, monarque absolu de droit divin. Ce n'est qu'en 1669 que Molière put reprendre sa pièce dans sa troisième et définitive version, pièce dont le succès ne s'est jamais démenti, et de toutes les pièces du théâtre classique, le Tartuffe est celle qui a été le plus souvent représentée. C'est cette dernière version de Tartuffe dont je vais maintenant vous donner un aperçu que je propose à votre attention. Orgon, un riche bourgeois, est devenu d'une dévotion étroite et tracassière depuis qu'il a installé chez lui un étrange personnage qui se prétend gentilhomme provincial ruiné et auquel Orgon a confié le soin de tout contrôler dans sa maison, notamment en son absence. Après s'en être pris à tous les membres de la famille d'Orgon, qui se plaignent de Tartuffe, Madame Pernelle, la mère d'Orgon, s'en prend plus précisément à Dorine, suivante de Marianne, née d'un premier mariage d'Orgon. Madame Pernelle s'adresse alors à Elmire, sa nouvelle bru. « Ma bru, l'on est chez vous contrainte de se taire, car Madame a jasé, tient le dé tous les jours. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage, que le ciel, au besoin, l'a séant envoyé pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, que pour votre salut vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ses visites, ses bals, ses conversations sont du malin esprit toutes inventions. Là, jamais on n'entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisifs, chansons et fariboles. Bien souvent, le prochain en a sa bonne part, et l'on sait médire et du tiers et du quart. Enfin, les gens sensés ont leur tête troublée de la confusion de telles assemblées. Mis des caquets divers s'y font en moins de rien. Et comme l'autre jour, un docteur dit fort bien, c'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y babille et tout du long de l'onde. »